quand Dieu libère son peuple. Pharaon est inquiet. Ces Hébreux qui habitent chez nous, ils sont trop nombreux. Un jour, ils pourraient nous faire la guerre. Il faut les faire travailler de force, sans les payer. Quant à leur fils nouveau-né, tuez-les. Quelle panique ! Les soldats égyptiens entrent dans toutes les maisons pour prendre les bébés. Myriam, une petite fille du peuple hébreu, accourt chez elle en criant. Vite ! Il faut cacher mon petit frère ! Avec sa maman, elle cache le bébé dans un panier et le dépose dans la rivière. Une princesse se baigne avec ses servantes. Soudain, elle voit le panier. Oh ! Un tout petit bébé ! Je vais prendre soin de toi. Je te donne le nom de Moïse, qui veut dire « sauver des eaux ». Moïse devient grand. Il sait que son peuple est malheureux en Égypte. Un jour, il voit un soldat fouetter un Hébreu. Fou de colère, Moïse tue le soldat. Le lendemain matin, toute la ville est au courant. Moïse a été dénoncé par un rapporteur. Moïse a peur de la colère de Pharaon. Il s'enfuit dans le désert. Moïse est berger. Un jour, dans la montagne, il voit un buisson qui brûle sans jamais disparaître. C'est incroyable! Moïse s'approche. Une voix dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai vu mon peuple maltraité. Va en Égypte, délivre-le et guide-le vers la terre merveilleuse que je vous donnerai. Je t'aiderai. Je serai toujours là. » Moïse va voir Pharaon une première fois. « Laisse partir mon peuple. » Mais Pharaon refuse. Il se moque de lui. Moïse insiste. Mais Pharaon a le cœur dur. Il ne cède pas. Dieu voit que les choses se passent mal. Il envoie 10 grands malheurs sur l'Égypte. Des grenouilles, des moustiques, des sauterelles. Pharaon ne cède toujours pas. Finalement, quand Pharaon voit mourir son fils, il laisse partir les Hébreux. Vite ! Les bagages sont chargés sur les chariots. Les enfants courent dans tous les sens. Dans l'excitation du départ, les Hébreux partagent un grand repas de fête pour la route. Dieu a tenu sa promesse. Dans la nuit, l'immense caravane se met en route pour quitter l'Égypte. Moïse marche en tête. Il ne sait pas ce qu'il va trouver plus loin. Et pourtant, il a confiance en Dieu. Le voyage va durer très longtemps. On l'appelle l'Exode. Au secours ! Regardez derrière ! Pharaon a changé d'avis ! Les soldats égyptiens nous rattrapent ! Avec enfants et bagages, les Hébreux ne peuvent pas aller plus vite. Ils tremblent de peur. Devant eux, il y a la mer, derrière, les Égyptiens. Ils sont pris au piège. Moïse appelle Dieu au secours. Puis il s'avance vers la mer et lève son bâton devant l'eau. La mer s'ouvre. Un grand passage se dessine devant lui. La longue caravane des Hébreux traverse la mer à pied sec. Vite ! Les Égyptiens les ont presque rattrapés. Mais soudain, La mer se referme violemment sur eux. Avec leurs chars et tous leurs chevaux, ils sont engloutis sous les flots. Sur l'autre rive, les Hébreux sont sauvés. Ils chantent les merveilles de Dieu. Ils font la fête et dansent au son des tambourins. Le peuple marche dans le désert. Il fait chaud. On a faim, on a soif, on va mourir. Moïse appelle Dieu au secours. N'aie pas peur, je suis toujours là. Lui répond Dieu. Chaque matin, Dieu leur donne un drôle de pain, la manne. Avec son bâton, Moïse frappe un rocher. De l'eau en jaillit. Le peuple mange et boit. La caravane avance de plus en plus doucement. Le peuple est fatigué. On en a assez de marcher. On a mal aux pieds. Quand est-ce qu'on arrive? Le peuple a peur de ne pas avoir assez à manger. On n'a même pas de réserve. Moïse appelle Dieu au secours. N'aie pas peur, je suis toujours là. Lui répond Dieu. Regarde ces petits oiseaux, ces cailles, mangez-les. Dans le peuple, certains continuent à se plaindre. Ils vont voir Moïse. C'est à cause de toi qu'on est sorti d'Égypte. On t'a fait confiance, mais on n'aurait pas dû. Ici, la vie est trop dure. On a faim de bonne viande bien tendre. On était mieux avant. Moïse ne sait plus quoi répondre. Alors, il part dans la montagne pour prier Dieu. Tout là-haut, sur la montagne du Sinaï, Moïse voit une fumée blanche et entend la voix de Dieu qui le rassure. N'aie pas peur, Moïse, je suis toujours là. Continue à conduire mon peuple. Retourne près d'eux. Dis-leur d'avoir confiance. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Je suis avec vous pour toujours. Dieu dit encore à Moïse, « Aujourd'hui, je te donne une loi pour apprendre à aimer. Grave-la sur de grosses pierres et va la donner à mon peuple. Elle dit que Dieu aime tous les hommes et que pour être heureux, chaque homme doit aimer Dieu et son voisin. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne fabriqueras pas de statues pour les adorer. Tu ne te serviras pas à tort du nom du Seigneur. Tu n'oublieras pas de célébrer le jour de repos et de prière. Tu respecteras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne prendras pas la femme d'un autre. Tu ne voleras pas. Tu n'accuseras personne injustement. Tu ne prendras pas ce qui est à ton voisin. En descendant de la montagne, Moïse aperçoit le peuple au loin. Mais que font-ils donc? Ils se sont fabriqués un dieu qu'ils peuvent voir et toucher. Autour d'un veau en or, ils dansent comme des fous. Moïse élève la voix. Arrêtez! Notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Reprenez confiance. Pour vous aider, je vais vous dire la loi que Dieu m'a confiée. Dans le désert, le peuple marche tous les jours, sauf un. Ce jour-là, il se repose. Moïse a rangé les pierres gravées dans un grand coffre précieux. L'Arche d'Alliance. Pendant la marche, des hommes la portent en tête de la caravane. Les jours de repos, On la dépose sous une tente. Là, chacun peut venir rencontrer et prier Dieu. On est arrivé ! La caravane n'ira pas plus loin ! Après 40 ans de marche dans le désert, le peuple hébreu arrive en terre promise, une terre riche et belle, où coule le lait et le miel. Juste avant d'arriver, le vieux Moïse meurt. Il a accompli sa mission. Le peuple est heureux de s'installer dans ce nouveau pays.